Là se fit donc très grande oppresse et ruée sur le roi Jean, par convoitise de le faire prisonnier, et ceux qui le connaissaient et qui étaient le plus près de lui criaient « Rendez-vous! Rendez-vous! Autrement vous êtes mort !» Il y avait là un chevalier du pays de Saint-Omer qu'on nommait Monseigneur Denis de Morbecque. Il servait les Anglais depuis 5 ans, ou à peu près, s'étant dans sa jeunesse exilé du royaume de France à la suite d'une querelle d'amis et d'un homicide qu'il avait commis à Saint-Omer, et suivait le roi d'Angleterre à sa solde et à ses gages. Il lui advint donc, fort à point, de se trouver non loin du roi de France, et même le plus près de lui, au moment où l'on s'efforçait ainsi de le capturer. S'avançant parmi la presse, en jouant des bras et du corps, car il était grand et fort, il dit au roi, en bon français, ce qui attira l'attention du roi. « Sire, sire, rendez-vous !» Se voyant en mauvaise posture, et déporté par ses ennemis, comprenant aussi que se défendre ne servait plus à rien, le roi demanda, en regardant le chevalier, « À qui me rendrai-je? À qui? Où est mon cousin le prince de Galles? Si je le voyais, je parlementerais. » « Sire, répondit Messire de Morbecque, il n'est pas ici, mais rendez-vous à moi, je vous conduirai auprès de lui. »« Qui êtes-vous? » dit le roi. « Sire, je suis Denis de Morbecque, chevalier d'Artois, mais je sers le roi d'Angleterre, car je ne puis demeurer au royaume de France et y ai perdu tous mes biens. » Alors, le roi de France répondit à ce que l'on m'a dit depuis, ou dut répondre, « Eh bien, je me rends à vous. » Et il lui donna son gant droit. Le chevalier le prit et en eut grande joie. Il y eut alors grande presse et grande bousculade autour du roi, car chacun disait à l'envi, « C'est moi qui l'ai pris! C'est moi qui l'ai pris !» Et le roi ne pouvait avancer, ni messire Philippe, son fils puiné.